بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc ce soir, nous allons nous arrêter sur un hadith rapporté par Muslim et également rapporté par Abu Daoud, et la version que j'ai choisie est la version d'Abu Daoud. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوالي الأرض أو قال إن ربي زوالي الأرض فأريد مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي تعالى لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. Donc selon Thauban رضي الله عنه, il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم « Certes, Allah m'a réuni la terre. Et j'ai vu l'Est et l'Ouest. Et certes, le royaume de ma communauté atteindra tout ce qui m'a été montré. Et certes, il m'a été donné les deux trésors, le rouge et le blanc. Et j'ai certes demandé à mon Seigneur, pour ma communauté, de ne pas l'anéantir par une disette générale. De ne pas l'anéantir par une disette générale. Et de ne pas donner la supériorité aux ennemis des musulmans jusqu'à ce qu'ils s'emparent entièrement de leur terre. Et certes, mon Seigneur m'a dit, ô Mohammed, lorsque je décrète une chose, elle ne peut être repoussée. Et je ne les anéantirai pas par une disette générale. Et je ne donnerai pas la suprématie sur eux à un ennemi extérieur à eux, de sorte qu'ils s'emparent entièrement de leur terre. Même si tous ceux qu'il y a sur terre s'unissaient contre eux, jusqu'à ce que les uns tuent les autres, et jusqu'à ce que les uns prennent les autres comme esclaves. Et certes, ce que je crains pour ma communauté, ce sont les meneurs égareurs. Et une fois que l'épée sera propagée dans ma communauté, elle ne sera pas levée jusqu'au jour de la résurrection. Et la fin du monde ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes. Et jusqu'à ce que certaines tribus de ma communauté adorent les idoles. Et il y aura certes dans ma communauté 30 menteurs. Tous prétendront être prophètes. Alors que je suis le sceau des prophètes, il n'y aura pas de prophète après moi. Et il y aura toujours un groupe de ma communauté sur la vérité, triomphant. Et ceux qui les contredisent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah Ta'ala. Donc ceci est un long hadith. Une grande partie du hadith est rapportée par Muslim. Et le hadith en entier est rapporté par Abu Daoud et d'autres. Et il y a des versions du hadith qui sont citées dans le livre de Mohammed ibn Abdel Wahhab, Kitab al-Tawhid, dans le chapitre Babu ma ja'ana ba'da hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Le chapitre comme quoi certaines personnes de cette communauté vont adorer les idoles. Donc ce hadith, on va en tirer beaucoup d'enseignements. Et j'ai noté 15 points que je vais développer dans ce hadith, bi'idhnillahi ta'ala. Selon Thauban, qui était un esclave affranchi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était assidu aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti s'installer dans le Cham, la région qui comprend aujourd'hui la Syrie, le Liban et la Palestine. Et il est mort là-bas, à Hims, en l'an 54 de l'Hégire. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réuni la terre. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réuni la terre jusqu'à ce qu'elle devienne une petite taille qui est possible au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir en entière. Puis il dit qu'il a vu donc l'Est et l'Ouest et que le royaume de sa communauté atteindra ce qui lui a été montré. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que le royaume de sa communauté, la communauté musulmane, s'étendra et atteindra l'Est et l'Ouest. Et ceci est arrivé conformément à la prophétie De telle sorte que l'empire musulman des premiers temps et jusqu'à aujourd'hui s'est étendu à l'est jusqu'à arriver en Chine et à l'ouest jusqu'à arriver en Andalousie, au Maroc et en Andalousie. Et le royaume et l'empire musulman s'est étendu donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de l'est à l'ouest, sur cette longue étendue, et ne s'est pas étendu du nord au sud, sur une longue étendue, comme il s'est étendu à l'est et à l'ouest. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé, jusqu'à ce que j'ai vu l'est et l'ouest. Et également dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il m'a été donné les deux trésors, le rouge et le blanc. Les deux trésors dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici, ce sont les trésors des Perses et des Romains. Il a dit non, les deux trésors, le rouge, qui correspond à quoi ? Qui correspond au trésor de César, le roi des Romains. Et cela, il l'a appelé le royaume des Romains, ou le trésor des Romains. Le rouge, le trésor rouge, car la majorité du trésor des Romains était l'or. Donc le rouge correspond à l'or. Et le blanc correspond au trésor de Kisra. Kisra qui était le roi des Perses. Et il a appelé son trésor le trésor blanc, car la majorité de leurs biens était le diamant et l'argent. Et ceci est arrivé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire que les musulmans se sont emparés des trésors des Perses et des trésors des Romains. Et ceci a eu lieu au califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ceci a eu lieu durant le califat de Omar radiallahu anhu. Les musulmans ont vaincu les Perses et les Romains et se sont emparés de leur territoire, ont conquis leur territoire et ont propagé l'islam dans ces territoires et ont propagé la justice dans ces territoires et ont récupéré les trésors de ces deux grands empires qui étaient les deux plus grands empires connus à l'époque, l'empire des Perses et l'empire des Romains. C'est comme aujourd'hui, tu vas dire, où on va revenir il y a une trentaine d'années, lorsqu'il y avait les deux grandes puissances, d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'URSS, jusqu'à ce que l'URSS soit tombée. Enfin, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux plus grandes puissances étaient l'empire romain et l'empire perse. Et à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, les musulmans ont vaincu ces deux grands empires et ont propagé l'islam sur ces deux territoires. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il continue et il dit qu'il a demandé à son Seigneur de ne pas anéantir sa communauté par une disette générale, par une famine générale. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde pour sa communauté, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de la préserver de la famine générale, car si toute la communauté était touchée par la disette et par la famine, il n'y aurait plus de musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de préserver la communauté, qu'elle soit touchée par une disette générale. Et de même, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas donner la suprématie aux non-musulmans sur la totalité des musulmans, à un point que les mécréants s'emparent des terres et la suprématie sur toute la communauté musulmane. Tout cela par miséricorde pour sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit, et là c'est une partie du hadith qui est Qudsi, il nous dit: et certes mon Seigneur m'a dit, ô Muhammad, lorsque je décrète une chose, elle ne peut être repoussée. Il faut savoir que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est de deux types, comme l'ont expliqué les savants. Le premier, le décret religieux, qui comprend ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans sa religion comme ordre et comme interdit, comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآيات من سورة الإسراء. Dans la traduction rapprochée du sens du verset, comme exemple du décret religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah nous dit « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bienfaisants envers les parents, etc. » jusqu'à la fin des versets, dans la sourate al-Isra, la sourate numéro 17, à partir du verset 23, et sur tous les versets qui vont suivre, Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer de nombreuses obligations et interdictions qui font partie de sa religion. Donc ceci est le décret religieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le décret religieux, il ne comprend que ce qu'Allah aime. Il ne comprend que ce qu'Allah aime. Puis ensuite, il se peut que les créatures accomplissent ce qu'Allah a décrété religieusement, comme il se peut qu'ils ne l'accomplissent pas. Donc il y en a certains qui vont obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses ordres et ses interdits qu'il a décrété religieusement, et il y en a qui vont lui désobéir dans cela. Et le deuxième type de décret, c'est le décret universel qui comprend ce qu'Allah a décrété dans l'univers. Il y a toutes les choses qui vont se passer, qui vont exister dans l'univers, qui comprend tout ce qu'Allah donc a décrété dans l'univers, parmi les choses qui vont exister. Et l'exemple de cela, c'est comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ الْآيَة مِنْ سُورَةِ الْإِسْرَى. Dans la traduction rapprochée du sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Et nous avons décrété dans le livre, yani dans le livre céleste, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume et qu'il a ordonné à la plume d'écrire tout ce qui allait arriver dans cet univers. Donc c'est de ce livre-là qu'il parle. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction rapprochée du sens du verset, et nous avons décrété que les enfants d'Israël, nous avons décrété dans le livre que les enfants d'Israël vont semer la corruption sur terre deux fois, jusqu'à la fin du verset de la sourate al-Isra. Donc ce décret universel comprend ce qu'Allah aime, tout comme il comprend ce qu'Allah n'aime pas. Il comprend ce qu'Allah aime comme bonne chose, et comme adoration, et comme obligation. Et il comprend ce qu'Allah n'aime pas, comme mal et comme péché. Mais ce décret universel, rien ne peut le repousser. Car, comme j'ai dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume, et qu'il lui a dit d'écrire, et qu'elle lui a demandé qu'est-ce qu'elle écrit, il lui a dit « Écris tout ce qui va être, tout ce qui va se passer sur terre. » Donc, ce décret, ce qu'Allah a décrété qui allait arriver sur terre, il est inévitable. Le bien qui existe sur terre, Allah l'a décrété par son décret universel. Et c'était obligé que ça arrive. Et le mal qui arrive sur terre, c'est qu'Allah l'avait décrété par son décret universel. Et il est donc inévitable. Et si cela arrive, le bien et le mal, si cela arrive sur terre, et si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ces choses, ce bien et ce mal qui allait arriver sur terre, c'est pour une sagesse que lui seul sait, car Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien sans sagesse, mais tout ce qu'il fait, c'est avec science et avec sagesse. Et donc dans ce hadith, lorsqu'il dit « Lorsque je décrète une chose, elle ne peut être repoussée », le décret dont il parle ici, c'est le décret donc universel. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'une chose allait être, alors cette chose sera inévitablement et personne ne pourra l'empêcher. Et donc, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte cela dans ce hadith? C'est pour nous expliquer que parmi les choses qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des choses qu'Allah ne lui a pas données, car Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété par sa science et sa sagesse autre chose que cela. Et donc, la première partie, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Wala uhlikuhum bisanatin bi'am » Je ne vais pas les anéantir par une disette générale. Donc cette première invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exaucée par Allah dans sa totalité. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de ne pas anéantir toute la communauté par une disette générale. Puis la deuxième « Wala usallitu alayhim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum » وَلَوْ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا أَوْ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا Et je ne donnerai pas la suprématie à un ennemi extérieur à eux, sur eux, au point qu'ils s'emparent totalement de leur terre, même si tous ceux qu'il y a sur terre s'unissaient contre eux, jusqu'à ce que les uns tuent les autres et les uns prennent les autres comme esclaves. Donc cette deuxième invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a demandé à Allah de ne pas donner la suprématie aux mécréants sur les musulmans, au point que les mécréants s'emparent de l'ensemble et de la totalité du territoire des musulmans, cette deuxième invocation, Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucée, mais il a mis une condition à cela. Et cette condition, elle est que tant que ta communauté est unie sur la vérité, qu'elle parle d'une seule voix, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne donnera pas la suprématie à leur ennemi sur eux. Mais s'il arrive que la communauté se divise à cause des innovations notamment, et qu'il arrive qu'il y ait des tueries entre musulmans, et que les uns prennent les autres comme esclaves, à partir de ce moment-là, une fois qu'il y aura donc la fitna, les troubles, la tuerie entre les musulmans, à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les punira en donnant la suprématie aux mécréants sur eux. Et de là, les savants disent, la plus grande des causes de la faiblesse des musulmans et la victoire de beaucoup de mécréants sur beaucoup de musulmans, c'est dû à la division. Et la division, comme l'expliquent les savants, la première des causes de la division de la communauté, ce sont les innovations. Car lorsqu'une personne innove dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis au reste des musulmans de se taire et d'accepter son innovation. Mais il est une obligation sur le reste des musulmans de réprimander l'innovation. Et s'il le faut, de réprimander l'innovateur. Et donc de là, ceci amène donc à une division si l'innovateur ne veut pas revenir à la sunna. Donc, tant que la parole des musulmans est une et qu'ils sont tous sur le tawhid et la sunna et sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, sur la voie des pieux prédécesseurs, tant que les musulmans sont là-dedans, aucun parmi les ennemis des musulmans ne pourra s'emparer de leur royaume et de leur empire, même si tous les gens de la terre s'unissaient contre eux pour les combattre. Puis ensuite, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, ce que je crains pour ma communauté, ce sont les meneurs égareurs, les meneurs qui égarent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique ici que la chose qu'il craint le plus pour sa communauté, ce sont les imams qui égarent, les meneurs qui égarent. Et ceci est une autre cause qui amène à la perdition de la communauté. La première des causes, c'est la divergence et la division qu'il y a entre eux à cause des innovations. Et la deuxième des causes, c'est la présence de gens qui appellent à l'égarement. Et certes, comme l'ont expliqué les savants dans l'explication de ce hadith, ils disent que les imams et les meneurs égareurs, ce sont les gouverneurs égarés, les savants égarés, les adorateurs égarés et les prédicateurs égarés. Ceux qui se sont avancés à faire la da'wa alors qu'ils ne sont pas aptes à cela. Donc si la communauté est dirigée par tous ces gens, alors ces gens-là les amèneront à la perdition. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Et dans le hadith authentique que vous connaissez tous, rapporté par Bukhari et Muslim, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم وفي رواية إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith nous dit, certes Allah ne prend pas la science en l'arrachant des poitrines des hommes, mais il prend la science par la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Alors à ce moment-là, les gens prennent à leur tête des ignorants, et ces ignorants sont interrogés, et ils font des fatwas sans science, à un point qu'ils s'égarent, et ils égarent les autres. Ici, il y a une parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah, dans son explication de Kitab al-Tawhid, qui s'appelle « I'anatul Mustafid ». Le shir il dit, ففي قوله أخاف على أمتي الأئمة المضلين مفهومه أن الأئمة المصلحين خير للأمة، يجمعون كلمتها ويصلحون عقيدتها ويردونها إلى منهج السلف الصالح ويحصل بهم الخير. أما دعاة الضلال فإنهم يصدونها عن الحق ويدعونها إلى خلاف منهج السلف. والآن فيما بيننا ظهر من يزهد في منهج السلف ويعتبره من الأمور الرجعية ومن الأمور القاصرة، ويريد من المسلمين أن ينهجوا مناهج حديثة ابتكرها جهال أو ضلال، يريدون أن الدعاة يسيرون على هذا المنهج المبتكر المحدث ويتركون منهج السلف الصالح الذي فيه الخير وفيه الصلاح والفلاح. هذا ظهر وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فلنحذر من هؤلاء غاية الحذر. لا نجاة لنا إلا باتباع دعاة الصلاح الذين يدعون إلى منهج السلف الصالح وإلى اتباع الكتاب والسنة، هؤلاء هم الخير على الأمة. أما من أراد بالأمة خلاف ذلك وابتكر لها منهجا أو خطط لها تخطيطا جديدا يخالف منهج السلف، فهذا لا يريد للأمة خيرا سواء كان متعمدا أو لم يتعمد. وأخطر ما على الأمة الآن الدعاة الجهال الذين لا يعرفون العلم ويدعون الناس بجهل وضلال، أو الدعاة المغرضون الذين يعرفون الحق لكنهم مغرضون يريدون صرف الأمة عن جادة الصواب. الحاصل أن الأمة على خطر من هؤلاء، فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نعالج هذا الأمر قبل أن يستفحل. Donc il dit le cheikh, lorsqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes ce que je crains pour ma communauté ce sont les meneurs et les imams qui égarent, ce que l'on comprend de cela, les imams réformateurs al-muslihin sont un bien pour la communauté et qu'ils unissent la parole des musulmans sur la vérité et ils réforment et ils corrigent la croyance des gens de la communauté, ils les font revenir à la voie des pieux prédécesseurs, et donc par ces gens-là, par ces prêcheurs, par ces imams de la guidée, par eux arrive le bien. Quant aux prédicateurs de l'égarement, eh bien, ils empêchent la communauté d'atteindre la vérité et ils les appellent à des choses qui contredisent la voie des pieux prédécesseurs. Et aujourd'hui parmi nous, sont apparus des gens qui appellent les gens à délaisser la voie des salafs et qui considèrent la voie des salafs comme étant une voie arriérée et qui veut que les musulmans suivent de nouvelles méthodes et de nouvelles voies qui ont été innovées par des ignorants ou par des égarés qui veulent que les prédicateurs suivent donc ces voies innovées et délaissent la voie des pieux prédécesseurs dans laquelle il y a le bien et dans laquelle il y a la réussite. Ceci est apparu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait informé qu'il allait avoir dans cette communauté des prédicateurs aux portes de l'enfer. Ceux qui leur obéiront, eh bien, ils les jetteront dedans, ni dans l'enfer. Puis les compagnons lui ont demandé, « Ô messager d'Allah, décris-les-nous. Ce sont des gens de notre peau et qui parlent notre langue. Donc nous devons prendre garde, extrêmement garde à ces gens-là. Il n'y a pas de salut pour nous, si ce n'est dans le suivi des prédicateurs de la guidée qui appellent à la voie des pieux prédécesseurs et à suivre le Coran et à la Sunna. Ce sont eux le bien pour la communauté. Quant à ceux qui veulent autre chose que cela pour la communauté et qui innovent de nouvelles voies et qui programment de nouveaux plans contredisant la voie des pieux prédécesseurs, ces gens-là ne veulent pas le bien pour la communauté, qu'ils fassent cela volontairement ou involontairement. Et le plus dangereux sur la communauté aujourd'hui, ce sont les prédicateurs ignorants qui ne connaissent pas la science et qui appellent les gens avec ignorance et avec égarement, ou les prédicateurs qui ont de mauvaises intentions. Ils connaissent la vérité, mais ils ont de mauvaises intentions veulent détourner la communauté de la voie de la vérité. Donc en résumé, ces gens-là sont un danger pour la communauté, donc nous devons prendre attention à cela, nous devons faire attention à cela, et nous devons corriger cela avant que cela augmente. Intaha kalam al-shaykh. C'est ainsi que se termine la parole de Shir. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit que une fois que l'épée tombera entre les gens de cette communauté, elle ne sera pas levée jusqu'au jour de la résurrection. Et ceci fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une vérité qui est arrivée lorsque les musulmans ont commencé à s'entretuer. Et ceci a commencé lorsque le troisième calife, bien guidé, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a été assassiné. Dès lors, les combats entre des musulmans n'ont cessé. Et ceci continuera jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma musta'an. Et également dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que certains parmi les musulmans vont rejoindre les polythéistes. Lorsqu'il nous dit l'heure de la fin du monde ne viendra pas jusqu'à ce que certaines tribus de ma communauté vont rejoindre les polythéistes. Et les savants expliquaient cela en disant qu'ils vont les rejoindre soit dans leur terre ou soit dans leur religion. Et ici également, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous explique cela. Et il nous dit إما بأن يذهبوا إلى بلادهم ويسكنوا معهم ويكونوا من دولتهم وإما بأن يبقوا في بلاد المسلمين ولكن يكونون على منهج الكفار ويرتدون عن الإسلام ووقع هذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم ففيهم من ذهب إلى بلاد الكفار ولم يرجع وصار يوافق الكفار في أمورهم الدينية ويجري عليهم حكمهم وهو مختار للإقامة بينهم وفيهم من بقي في بلاد المسلمين ويعتنق مذاهب الكفر من شيوعية وبعثية وقومية وغير ذلك وهؤلاء لحقوا بالمشركين في قلوبهم وعقائدهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم وإن لم يلحقوا بهم في أبدانهم. Donc il nous dit, le Cheikh, il y en a qui vont rejoindre donc carrément la terre des polythéistes, la terre des mécréants. Hein, ils vont aller dans la terre des mécréants, ils vont vivre avec eux, et ils vont prendre la nationalité de ces pays-là. Et il y en a qui vont rester dans les pays musulmans, mais qui vont suivre la voie des mécréants, qui vont délaisser l'islam, qui vont apostasier l'islam. Et ceci est arrivé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Certains parmi les musulmans sont partis dans les pays mécréants, et ne sont pas revenus, et ont commencé à suivre et à être en accord avec les mécréants même dans les choses de la religion. Il vit parmi eux, sous leur loi, de son propre gré. Et parmi les musulmans, il y en a qui sont restés dans les pays musulmans, mais qui ont pris comme idéologie et suivi des croyances des mécréants, telles que le communisme et d'autres choses que le Cheikh a citées. Et il dit donc, ces gens-là, même s'ils ne sont pas partis dans les pays mécréants avec leur corps, mais ils ont rejoint les mécréants dans leur cœur et dans leur croyance. Ensuite, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également que certains de cette communauté vont adorer les idoles. Et les idoles, ceci comprend tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela est arrivé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Et dans cela, il y a un éclaircissement qu'un musulman peut sortir de l'islam s'il tombe dans du shirk ou dans du kufr, akbar. Hein, s'il tombe dans la grande mécréance ou le grand polythéisme, et que les preuves lui ont été apportées, il peut sortir de l'islam. Et de la même façon, si un musulman peut sortir de l'islam, de la même façon un musulman qui est dans la sunna peut sortir de la sunna et devenir innovateur. Donc nous devons apprendre l'islam et la sunna et la voie des pieux prédécesseurs, et nous devons suivre cela véritablement, et nous devons rester fermes sur cela jusqu'à notre mort, incha'Allah ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, nous dit également qu'il va y avoir dans sa communauté 30 menteurs qui vont prétendre être des prophètes, alors que, comme ceci est bien connu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et il n'y aura pas de prophète après lui. Puis après nous avoir informé et nous donné toutes ces informations qui font peur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait une bonne annonce lorsqu'il a dit: il y aura toujours un groupe de ma communauté sur la vérité, triomphant, ceux qui les contredisent ne pourront leur nuire jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là-dessus, Ibn al-Qayyim nous dit dans sa Nouniya, والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن وبذاك يظهر حزبه من حربه ولأجل ذاك الناس طائفتان ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى السجلان لكنما العقبى لأهل الحق إن فاتت هنا كانت لدى الديان. Et je ne vous traduirai pas parce que ce sont des abiyat, mais en gros, ce qu'il nous dit Ibn al-Qayyim ici, c'est que la vérité triomphera quoi qu'il arrive, mais les gens de la vérité seront également éprouvés. Donc il n'y a pas à être étonné de cela, car ceci est la règle d'Allah dans sa création, qu'il n'y a pas de victoire sans épreuve. Et c'est avec cela, avec les épreuves, que se distingue le parti d'Allah du parti qui est contre Allah subhanahu wa ta'ala. Puis à la fin de ces vers, il nous dit que quoique la guerre donc entre les prophètes et les mécréants a lieu à tour de rôle, des fois ce sont les croyants qui vainquent leurs ennemis, et des fois les ennemis gagnent des batailles sur les croyants, mais quoi qu'il arrive, la bonne fin et le résultat final est pour les gens de la vérité, et même si ça n'a pas lieu sur terre, ça aura lieu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il est venu dans ce hadith, il faut savoir que les ennemis de ce groupe de la communauté musulmane qui est sur la vérité, qui restera sur la vérité jusqu'à la fin des temps, les ennemis de ce groupe sont de deux types. Le premier, al-mukhalif, car de ce hadith il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la yadurruhum man khadalahum, wa la man khalafahum, qui nous cite deux types d'ennemis à ce groupe. Le premier, al-mukhalif, celui qui quoi? Celui qui contredit les gens de la vérité. Et ce sont ceux qui combattent le groupe sauvé parmi les gens qui n'en font pas partie et qui ne s'y apparentent pas, qui ne s'y affilient pas à la base. Ceux-là, ce sont des ennemis extérieurs. Et le deuxième type d'ennemi au groupe sauvé, c'est Al-Mukhadzil, le traître. Celui-là, c'est quelqu'un, il s'affilie au groupe sauvé. Il dit, moi je fais partie des gens de la Sunna, moi je fais partie des Salafis. Il s'apparente et il s'affilie à ce groupe sauvé, mais il trahit les gens de ce groupe et il les combat de l'intérieur. Donc celui-là, c'est un ennemi intérieur. Et il est plus dangereux, car les gens ont une bonne pensée sur lui. Et ils pensent qu'il est avec les gens de la vérité. Alors qu'en réalité, il secourt le faux et les gens du faux par la ruse et par la tromperie. Mais quoi qu'il arrive, malgré tous ses ennemis, de l'intérieur et de l'extérieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait la bonne annonce que ce groupe restera toujours sur la vérité et que ce groupe triomphera toujours. Enfin, la vérité ne pourra jamais disparaître. Il y aura toujours un groupe de la communauté sur la vérité. Et malgré leur petit nombre à ce groupe sauvé, ils ne subiront pas de préjudice réel quant à ce que font leurs ennemis contre eux, et ce jusqu'à la fin des temps. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin.